Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, les Jeux olympiques d'hiver. Pendant ma visite au village olympique, j'ai eu l'occasion de parler aux membres de l'équipe canadienne. À présent, et je suis sûr qu'ils ont raison, le style canadien d'aujourd'hui est le style mondial de demain. L'avenir appartiendra non à des acrobates ou à des machines humaines de précision, mais à des véritables danseurs et danseuses de la glace. André Nicholson, qui vante les mérites et le style des patineurs canadiens aux Jeux d'Oslo en 1952. De fait, comment le Canada va-t-il tirer son épingle du jeu en patinage artistique, mais dans toutes les autres épreuves inscrites au calendrier des Jeux d'hiver au cours de l'histoire de ces Jeux? Quels seront les moments forts de l'histoire de ces Jeux d'hiver? Et qu'est-ce qui mènera à leur création avec les Jeux de Chamonix en 1924? Et les sports d'hiver, les Jeux d'hiver? Les sports d'hiver, naturellement, à cette époque-là, il n'y avait guère que le hockey. Et le hockey, on ne le connaissait pas en Europe. Mm-hmm. Et c'est quand le ski s'est développé, oui, que l'on a eu l'idée d'inclure des Jeux d'hiver. Les premiers Jeux d'hiver ont eu lieu à Chamonix, en 1924. Et naturellement, dans le ski, il n'y avait rien que le saut et le cross-country. Le slalom et la descente n'existaient pas. Est-ce que les Jeux olympiques d'été ont lieu la même année que les Jeux olympiques d'hiver? Oui, les Jeux d'hiver ont toujours lieu au début de l'année, comme l'année prochaine, en 48, et les Jeux d'été auront lieu à Londres au mois de juillet ou septembre, au mois de juillet ou. Oh, il n'est pas nécessaire que les Jeux d'été se déroulent au même endroit que les Jeux d'hiver. Non, ben c'est pratiquement impossible. Ah bon, je comprends. En terminant, Monsieur De Hoek, est-ce que vous croyez que le Canada pourrait un jour décrocher l'honneur de devenir le site des Jeux olympiques? Ben certainement que les villes comme Montréal, Toronto. Toutes les grandes villes, Ottawa, peuvent les demander. Pour les sports d'hiver, ce n'est pas la même chose. Les sports d'hiver doivent se dérouler là où il y a certainement des grandes montagnes pour permettre la descente. Alors, à titre de Québécois, est-ce que vous suggériez que Québec serait un site idéal pour les Jeux olympiques? Pour moi, en dehors des Rocheuses, c'est-à-dire Banff, Revelstoke, et plus haut encore à Vancouver, je ne vois aucun autre site que Québec. Le Mont-Saint-Anne pour le downhill. Le journaliste sportif Michel De Hoek qui répond aux questions de Guy Dumay en 1947. Pour nous raconter l'histoire des Jeux d'hiver, mon invité, l'historien de l'Université du Québec à Montréal, Jean Lévesque. Monsieur Lévesque, bonjour. Oui, bonjour. Je précise la date, 1947, ça fait sourire. Déjà, donc, c'est un peu fou, il y a cette idée plus ou moins sérieuse, mais en tout cas, c'est évoqué dans cette entrevue, de ce rêve, en fait, de la tenue de Jeux olympiques d'hiver à Québec. Il y en aura très peu de Jeux organisés au Canada, deux dans l'histoire. On est pourtant le deuxième plus grand pays nordique au monde. Deux Jeux seulement qui vont se dérouler au Canada, tardivement en plus, en 88 à Calgary, en 2010 à Vancouver. Pourquoi? Pourquoi si peu de Jeux ici? Pourquoi si tard les Jeux d'hiver au Canada? En fait, c'est parce que l'idée originale des Jeux, c'est de les tenir dans des stations balnéaires, dans des stations de sport d'hiver, déjà bien établies. Et, ça, c'est le réflexe. Là. Les premiers le Jeux, réflexe. On ne se pose pas de questions. Et c'est très, très, très souvent dans les Alpes, comme vous avez vu, aux États-Unis. Et l'idée de les tenir au Canada arrive avant, pas de discussion sérieuse avant les fins des années 70, les années 80. Oui, et Québec, ça n'arrive pas avant les années 2000. Donc, le représentant qui vient est un loup solitaire où il n'y a pas de mouvement très, très fort pour l'obtention des Jeux d'hiver à Québec. Et donc, c'est dans des stations de sports d'hiver déjà connues. On est aussi avec la vieille domination de l'Europe, donc ça prend du temps avant de sortir. Il y a quand même 32 à Lake Placid. Mais ça prend énormément de temps, peut-être par faute de promotion touristique ou de programme de promotion touristique et par moyen. Ouais. Oui. Je le signale aux auditeurs, parce que moi, j'ai fait le décompte deux fois, donc, les Jeux. Oui. Le Canada va recevoir les Jeux. Les champions, ce sont les Américains. Quatre fois. Oui. Les Jeux d'hiver aux États-Unis, au jour d'aujourd'hui. Trois fois en France. Et puis, en deuxième, on a ceux qui ont deux fois les Jeux. Il y en a beaucoup. Il y a le Canada, il y a le Japon, il y a l'Italie, la Norvège et l'Autriche. Ça commence comment? Revenons à la création de ces Jeux d'hiver. Dans quel contexte naît cette idée de tenir éventuellement des Jeux olympiques d'hiver? Ça vient des Scandinaves, en fait, qui organisent leur propre jeu, qu'on va appeler Jeux scandinaves, qui débutent en 1901 et qui vont se terminer en 1926, si je ne me trompe pas, juste après les premiers Jeux, les vrais Jeux olympiques d'hiver de Chamonix. Et donc, c'est beaucoup l'initiative de membres du CIO suédois, dont un général Balk, qui est dans un mouvement de promotion d'espèce d'identité scandinave, de pureté, de santé par le sport. Et ça attire évidemment les Scandinaves, plus à peu près peut-être 5-6 nations nordiques européennes. Donc, on parle de Jeux scandinaves, Jeux nordiques. Mais les Scandinaves sont très, très chatouilleux à l'idée de partager leur butin. C'est-à-dire, c'est créé par eux, pour eux. Et, c'est eux qui dominent, de toute façon. Et d'ailleurs, la Norvège domine encore le championnat des médailles totales depuis le début. Mais ça, c'est une autre question. Donc, ils veulent... Et Coubertin n'est pas très chaud à l'idée d'organiser des Jeux d'hiver et ne veut pas s'aliéner les représentants scandinaves qui organisent les Jeux de Stockholm. Ouais. Et donc, la première percée, c'est d'ouvrir le patinage artistique aux Jeux d'été à Londres en 1908 avec une aréna. Et donc, c'est l'exception. 1920 à Anvers, le hockey, et c'est tout. Il y a des propositions en 1912 d'un membre italien du CIO de faire une semaine des sports d'hiver à l'intérieur des Jeux olympiques. Et ça va prendre jusqu'en 1924 pour qu'on l'adopte. Oui. Mais les Jeux de Chamonix ne sont pas les Jeux de Chamonix originellement. C'est la semaine des sports d'hiver dans le cadre des Jeux de Paris. Voilà. Et deux ans plus tard, on va dire « Ah, c'était les premiers Jeux d'hiver quand le CIO va rassembler ça, une majorité. » On aura donc consacré le statut officiel de premier Jeux d'hiver de Chamonix en 24 après coup. On organise ça un petit peu en expérience pilote. Là. Il y aura une semaine de compétition l'hiver en 24 à Chamonix. Mais donc, ça devient quand même officiellement les premiers Jeux. Ça ressemble à quoi, ces premiers Jeux-là? Ah, c'est très modéré. Là, on parle de 200 athlètes, à peu près une douzaine de pays, 16 pays, je pense. Dans 6 sports, 9 épreuves, c'est pas beaucoup, 4 % de femmes, là, c'est très masculin. Ouais. Et c'est fait comme supplément ou annexe au jeu d'été. Ouais. Et ça va prendre un petit peu de temps avant vraiment qu'ils prennent de l'ampleur. Deuxième jeu en Suisse, à Saint-Moritz. On est donc encore une fois dans une station d'hiver. Hein. Ça va être ça pour un petit bout de temps. Ce qui est intéressant de Saint-Moritz, c'est que déjà, au deuxième jeu, en Suisse, là, les montagnes de Saint-Moritz, on a des problèmes avec les conditions météo. Et ça va être un thème récurrent. Une des grandes difficultés des Jeux d'hiver, mais ça commence déjà à Saint-Moritz en 28. Oui, on ne pourrait pas s'y attendre. Hein. On s'attendrait à une température idéale. Et c'est, on se souvient des Jeux de Sochi, des Jeux en rétrospective. Ouais. Mais à Saint-Moritz, ce sera là à Innsbruck, dans les Alpes autrichiennes, en 64. Et on doit même amener de la neige. On n'est pas encore dans la neige artificielle. À Innsbruck, de régions avoisinantes où il y a eu des plus importantes chutes de neige, on mobilise des divisions de l'armée autrichienne pour amener de la neige en camion. Et ça revient de façon récurrente. De temps en temps, on prévoit toujours les conditions idéales, c'est-à-dire fin janvier, début février, et il arrive des cas comme ça. Mais je pense que ça fait partie, je dirais, du patrimoine, du folklore des Jeux olympiques d'hiver. Die vierten Olympischen Winterspiele 1936 in Garmisch-Partenkirchen für eröffnet. Adolf Hitler, qui déclare ouvert les quatrièmes Jeux d'hiver à Garmisch-Partenkirchen en 1936. Les Jeux de Berlin en 1936, Jean Lévesque, on les connaît, ils sont passés à l'histoire, on sait bien pourquoi. On a oublié pratiquement que l'Allemagne accueille aussi les Jeux d'hiver en 1936. Comment ça se compare, les Jeux de Berlin avec ceux de Garmisch-Partenkirchen? Est-ce qu'il y a la même volonté de politique de l'Allemagne, de cette glorification de la grande Allemagne nazie? Premier aspect, glorification de la dimension nordique des Allemands. Oui. Alors, ils ont été très présents dans les Jeux nordiques avant qu'ils soient des Jeux olympiques. Question politique. Il y a évidemment énormément de propagande nazie, de drapeaux partout, sauf qu'on a éliminé les affiches ou les slogans qui étaient littéralement anti-juifs ou antisémites. Et, parce qu'on voulait les Jeux. On voulait les Jeux. On voulait montrer une image... pur, les mains tout à fait propres, régime très fort. C'est comme une espèce de préparation aux Jeux d'été qui vont être, en termes de mise en scène, de gigantisme, beaucoup plus important parce que Garmisch-Partenkirchen, c'est une petite station de ski dans les Alpes allemandes. Et on y va un petit peu plus doucement sur la politique d'exclusion des athlètes juifs. On va faire deux exceptions aux Jeux d'hiver, dont un excellent joueur de hockey qui va participer à donner un peu d'opposition à l'équipe canadienne de l'époque, Rudy Ball, qui va être à la fois critiqué par les nazis purs et durs et par les organisations juives et une patineuse si ma mémoire est bonne. Bon. Mais on fait quelques petites concessions. Il n'y en aura pas de leur côté pour les Jeux d'été. Ouais. Mais on est comme dans une préparation. Puisqu'on est sur cet aspect politique, comment ça se compare? Les Jeux d'été, évidemment, bon, il y aura ceux de Berlin en 1936, mais il y en aura d'autres. C'est un outil important. Le caractère politique des Jeux d'été, on le connaît. Est-ce que ça existe aussi pour les Jeux d'hiver? Comme il n'y a pas énormément de recherches sur les Jeux d'hiver, on pense un peu naïvement ou candidement qu'ils sont moins politisés. Mm-hmm. Mais Garmisch, les querelles de guerre froide, et 68, Grenoble, général de Gaulle, qui veut faire montrer une espèce de France, la troisième voie entre l'OTAN et le Bloc de l'Est, et qui, contrairement aux autres pays de l'OTAN, accorde des visas aux athlètes est-allemands pour qui c'est la première participation indépendante de l'équipe unifiée allemande qui était la politique du CIO de 52 jusqu'à 68. Oui. Et puis Sochi, évidemment. Et puis Sochi, mais... Bon, les scandales politiques autour de Salt Lake City et puis des pots de vin. Ouais. Mais on a tendance à penser qu'ils sont un peu plus candides, un peu plus ouais. bucoliques. Mais il y a de la politique. Mais il y en a de la politique. Oui. Et puis je disais Sochi, mais ça, c'est la démesure, c'est la gloire oui. de Poutine et de la Russie de l'époque, en fait. Mais c'est une fausse idée qui reste encore à argumenter, à développer, à présenter. Mais probablement que la question, c'est qu'il y a 3-4 fois moins d'athlètes aux Jeux d'hiver qu'aux Jeux d'été. Mm-hmm. Jusqu'à Sochi, les budgets étaient plus modérés. Ouais. On parlait de Jeux en bas de 10 milliards pour les derniers. Et puis très souvent, c'était autour d'un milliard et même moins. Il y a des Jeux même rentables, Calgary. Ouais. Mais essentiellement, il y a de la politique. Surtout une politique plus nordique, j'allais dire, à cause de la guerre froide et de l'implication des Soviétiques et de plusieurs pays de l'Est dans une course assez serrée aux médailles. Les Olympiques d'hiver 1964. Richard Garneau, en compagnie de René Lecavalier, au jeu d'Innsbruck. Ce matin a eu lieu la cérémonie d'ouverture et nous étions sur les lieux. Mesdames, messieurs, c'est l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver 1964 à Innsbruck. Déjà, un groupe d'une fanfare tyrolienne entonne l'hymne olympique pendant que le président fédéral fait son apparition, suivi des membres de la Fédération internationale olympique et de la Fédération autrichienne olympique. Il y a au moins 50 000 personnes. Jean Lévesque, comment comparer les Jeux d'été aux Jeux d'hiver? Le rituel est le même, on l'entend, description de la cérémonie d'ouverture aux Jeux d'Innsbruck en 64. Il y a une cérémonie d'ouverture, il y a une cérémonie de clôture, il y a des athlètes de partout, il y a la présence de chefs d'État. Comment on peut comparer? Qu'est-ce qui appartient aux Jeux d'hiver? Qu'est-ce qui appartient aux Jeux d'été? Puis comment on peut faire la comparaison le plus honnêtement possible? Parce qu'on a l'impression que les Jeux d'hiver, c'est le petit frère, c'est le parent pauvre. Est-ce oui, que c'est que vous avez ça? Raison. Oui, parce que d'ailleurs, pour cérémonie d'ouverture, je pense que la première fois où on va amener la flamme olympique, comme on le fait aux Jeux d'été, c'est en 56, ça fait déjà... Avant, il y avait toutes sortes de compromis ou de solutions de rechange, mais on ne faisait pas la même fanfare. Ouais. On n'avait pas la même. Donc, il y a une question de représentation internationale. Évidemment, ça commence par les pays du Nord. Et ça commence à évoluer. Dans les années 60, le CIO encourage des athlètes venant de pays comme Fidji, la Jamaïque ou la Nouvelle-Zélande, où il n'y a pas de très forte tradition de sport hivernal, quitte à leur payer leurs dépenses, à venir participer pour une représentation plus mondiale. Et là, on est à Sochi, on est à 90 pays. Mm-hmm. Évidemment, ce n'est pas les Jeux d'été, mais au début, on était une dizaine de pays. Donc, ça a quand même évolué dans ce sens-là. L'autre chose, c'est qu'il y a quand même une vieille empreinte du Nord. C'est-à-dire, si on regarde les grands champions, ça reste les pays originels, les États-Unis, le Canada, cinquième place, les Soviétiques, et on reste autour des Alpes, les Scandinaves, les Alpes. La réalité nous la rattrape, compétition, si vous voulez. En fait, ouais. On ne peut pas, évidemment, ne pas parler de hockey dans cette émission consacrée aux Jeux d'hiver. Eh bien, il reste 1 minute et 15 secondes à jouer avant la fin de la partie entre le Canada et la Suisse, et le Canada mène 8-0. Il faut vous dire qu'à la première période, les Suisses sont fort bien défendus et le Canada n'a marqué son premier but que 3 secondes avant la fin du premier 20. Mais le Canada, à la deuxième, est venu marquer 5 buts et à la troisième, eh bien, le jeu s'est fait presque à 90% dans la zone du gardien Gérald Rigolet, qui vraiment a été merveilleux. Il a abattu une besogne formidable. Et c'est lui qui a évité aux siens une défaite par un compte plus élevé encore. Alors, en 64, à Innsbruck, Jean Lévesque, la Suisse, on vient de l'entendre, se fait massacrer par le Canada. Est-ce qu'on est vraiment la puissance, est-ce qu'on domine la patinoire des Jeux olympiques d'hiver, le Canada, ou pas? Au tout début, c'est absolument vrai. Je pense même que les premiers matchs du Canada à Chamonix, c'était 16-0, c'est encore pire. Ouais. La première opposition est venue de Britanniques, composée de Canadiens, d'équipe britannique. Ensuite, les Allemands en 36. Et jusque-là, tout allait bien, jusqu'à ce que les Soviétiques entrent en lice en 56 et remportent le premier tournoi olympique en 60, c'est les Américains. Mmh. Et là, le Canada subit en 64, c'est peut-être un peu un retour. On pense que, bon, on va retourner à la normale, mais c'est le début d'une crise du hockey canadien sur le plan international à cause de la politique de l'amateurisme. Ouais. On envoyait traditionnellement une très bonne, le champion junior de la Ligue de l'Ouest ou du Centre, où on faisait une équipe d'étoiles de juniors mm-hmm. canadiens bien cotés. On les envoyait, il n'y avait pas de problème. Et à partir de l'entrée des Soviétiques, là, ça pose problème et ça va mener au retrait des compétitions internationales du Canada en 69, création d'Hockey Canada, et d'essayer de proposer quelque chose de différent, c'est-à-dire d'avoir les professionnels jouer contre les meilleurs. Parce qu'on ne joue plus à armes égales. Et là, hockey, c'est peut-être l'exemple suprême, en tout cas pour nous, là, quand l'armée rouge se pointe avec des professionnels oui. Contre des amateurs, ça ne marche plus. Ça va prendre du temps avant que ça change. Au basket, ça a changé en 92 à Barcelone, mais au hockey, ça vient à Nagano en 98, qui n'est pas une très bonne année pour le Canada non plus, mais bon, au moins l'ouverture avait été faite. Mais les années 60-70 jusqu'à la fin des années 80, c'est extrêmement dur pour le Canada. Ouais. C'est une grosse claque sur l'orgueil national. Compétition olympique de slalom géant dames. Première médaille d'or. Nancy Green, Canada. Nancy Green qui remporte donc cette médaille d'or en slalom aux Jeux de Grenoble en 1968. Jean Lévesque, qui sont les grands champions canadiens, mais je dirais tout pays confondu, là, les rois du stade quand on parle des Jeux d'hiver? J'en ai plusieurs. Jean-Claude Killy, Grenoble, la même année. En 68, qui rafle les trois médailles d'or. Un peu la bête noire de Brundage, qui était président du CIO. Ensuite, on parle des sœurs Goichel. Les Françaises, Marielle et Christine, qui se partagent l'or et l'argent au slalom et au slalom géant. Ensuite, c'est-à-dire en termes de médailles, Eric Heiden aux Jeux de Lake Placid, 5 médailles d'or, 4 records olympiques, un record du monde. Johan Olaf Koss, Lillehammer, 3 médailles d'or et 3 au patinage de vitesse, et 3 records mondiaux, mais aussi un rôle caritatif qu'il y a... mener une campagne pour créer un fonds d'aide à Sarajevo qui, 10 ans après avoir tenu les Jeux d'hiver de 84, était en pleine guerre civile et avait besoin. Et Samaranch est embarqué dans le projet et a même donné toutes ses bourses pour ce fonds et encourager les Norvégiens de donner, je pense c'était 10 couronnes ou 1,50 $ pour chaque médaille norvégienne. À Lillehammer, il y en avait beaucoup, donc ça a amené un peu le bal, mais c'est un rôle caritatif, mais il y en a plein de grands champions. Et pour Canada, ça viendra un peu plus tard. Oui, c'est récent. Green, c'est un cas, mais ça vient, en fait, le Canada est assez hors le hockey et le patinage artistique. C'est vraiment à partir de Calgary où le Canada fait une meilleure performance en termes de médailles. On pense à Myriam Bédard, Jean-Luc Brassard. Alors, quelle sera l'importance, Jean Lévesque, de ces Jeux, de ces premiers Jeux canadiens de Calgary en 88, puis comment un peu résumer ces Jeux-là? Bon, c'est les premiers Jeux, en fait, où... il y a une ouverture envers les professionnels. Le CIO accorde aux fédérations sportives indépendantes le droit de choisir les règles définissant l'amateurisme et le professionnalisme et quelle politique adopter envers. Donc, c'est un début d'ouverture. Je vous ai parlé de Nagano en 98 au hockey. Mais c'est sport par sport où les règles vont changer et c'est à partir de Calgary. Aussi, Calgary, c'est... un projet de développement plus large que ce qu'on avait connu traditionnellement dans les stations de sport hivernaux, où Calgary se sert des Jeux olympiques pour se développer de façon beaucoup économiquement plus large. C'est pas juste l'idée d'attirer le tourisme hivernal et la participation au sport d'hiver. Et donc, c'est aussi, sur le plan canadien, le début d'une... De performance beaucoup plus encourageante. Et d'un investissement dans le sport d'hiver olympique. Et étrangement, rien n'arrive sans rien. Les droits de télévision ont commencé à exploser dans les années 80. Ouais. Calgary a été rentable à cause de droits très généreux, près de 400 millions. pour les différents réseaux. Ouais. Et donc, ça amène une nouvelle ère, mais aussi une ère d'explosion des coûts, alors que c'était beaucoup plus modéré auparavant. Vancouver, 2010. Oui. Là, on est dans le... On vient de franchir une nouvelle ère en termes d'expansion, en termes de coûts et en termes de localisation où des problèmes, certaines villes candidates dans le passé se faisaient refuser parce que les sites étaient trop éloignés. Mm-hmm. Et là, maintenant, on vise les grandes villes, les grandes agglomérations. Et Vancouver est un exemple, je veux dire, frappant. Donc, on veut des grandes villes. Donc, ça veut dire pour les Jeux d'hiver qu'on doit accepter en contrepartie, c'est le cas de Vancouver, des sites satellites pas mal plus loin. Finalement. Pas mal plus loin parce qu'on avait refusé une ville suédoise en 76 où le ski était éloigné du centre de 500 quelques kilomètres. Mais Vancouver et Whistler, c'est quand même assez éloigné. Ouais. Et donc, c'est une, je dirais, une phase dans la capacité d'expansion et symptomatique de la volonté de les tenir dans des plus grandes agglomérations, des villes plus importantes. Les Jeux d'hiver, en terminant, les Jeux d'hiver, ils en sont où, ces Jeux d'hiver, aujourd'hui? Ils en sont sur le plan de l'ouverture aux professionnels à peu près au même point que les Jeux d'été. En termes de droits de télévision, ça commence à se comparer étrangement. En termes de coûts, ben là, Sochi a fait sauter la caisse. Et en termes de diffusion, là, on est dans 2 et 3 milliards de téléspectateurs. Et ce n'est pas tous des gens qui ont de la neige et des sports hivernaux chez eux. Donc, il y a eu le pari de Samaranch des années 80 d'ouvrir aux sponsors, aux télédiffuseurs, aux professionnels à quelque part marcher, même si ça amène des critiques parce que on parle de planche à neige et de ski acrobatique, qui sont des sports plus jeunes, plus cool. D'ailleurs, pour les Jeux de Sochi, il y avait une critique assez forte dans The Economist sur l'idée d'avoir des sports de plus en plus spectaculaires pour attirer un public jeune qui va même les regarder sur d'autres médias et pas traditionnellement comme le faisaient leurs parents sur la télé en direct. Mais cette volonté, ces 2-3 milliards de spectateurs, ça s'explique aussi parce que le spectacle, on crée du spectacle. On crée du spectacle. Ouais. Et c'est un fait incontestable. Je pense qu'il n'y a pas de marche arrière possible. Sauf que je voudrais quand même ajouter que la politique dans les années 50 jusqu'aux années 70, et même jusqu'aux années 80, la politique par rapport à l'amateurisme est extrêmement stricte. Ouais. Et ils ont peut-être souffert un peu dans leur développement par rapport aux Jeux d'été. Mais on reste avec une représentation. On est parti de 16 pays, on est à 90. Et on est parti de 200 athlètes, on est près de 2900. Donc, qui se comparent très favorablement. Le petit parent pauvre a assez bien grandi. On s'arrête là-dessus. Jean Lévesque, historien à l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup. Merci c'est moi qui vous remercie. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.